t'appelles pas Blanche-Neige. À l'orée des forêts, y a plus de petits nains, ni de sorcières. Et si tu dors au bois la belle, n'attends pas le prince charmant. Les châteaux, les ronces d'antan, c'est des chimères. Mords la vie à pleines dents, comme la pomme d'Adam. Le paradis n'existe pas, c'est toi qui le feras. Les chats n'ont plus de bottes, les ogres se font la guerre, et le petit poussin est pensionnaire. Cendrillon passe l'aspirateur, elle écrit au courrier du cœur. Barbe bleue publie ses mémoires dans les journaux du soir. Mord la vie à pleines dents, comme la pomme d'Adam. Le paradis n'existe pas, c'est toi qui le feras. À la claire fontaine, les eaux sont polluées. Le petit cordonnier est au chômage. Au bois, les lauriers sont coupés, le coquelicot est fané, le pont d'Avignon est cassé, c'est bien dommage. Mord la vie à pleines dents, comme la pomme d'Adam. Le paradis n'existe pas, c'est toi qui le feras. Mords la vie à pleines dents, ne rêve pas trop souvent. Le paradis n'existe pas, c'est toi qui le feras. Mords la vie à pleines dents, ne rêve pas trop souvent. Le paradis n'existe pas, c'est toi qui le veux.